Activité 6B. 1. Il tient bien. 2. Il vient bientôt. 3. Ils se souviennent de tout. 4. Elles reviennent tard.